Si la vie n'a de cesse de nous dicter ses lois, la mort elle ne nous laisse que l'embarras du choix. Comme la mort d'aujourd'hui n'est plus au naturel, pour un oui, on t'expédie au ciel. Laissez-nous vivre encore un peu, partir à petit feu, sacrifier sur l'autel d'une secte de braque, découpée en rondelles par un joyeux maniaque, soufflé dans l'explosion d'un acte terroriste, jeté hors d'un wagon par de gros corps racistes. Laissez-nous vivre encore un peu, partir à petit feu, frapper de la famine comme d'une fatalité, ou pour la guillotine au nom de l'équité. Surpris en pleine action par un mari jaloux, enterré pour trois ronds dans un coup de prison. Laissez-nous vivre encore un peu, partir un petit peu. Dans un casse foireux, irradié par les fuites de fusils envahissants, heurté par la conduite du rogne renversant. Laissez-nous vivre encore un peu, partir un peu. Si la vie n'a de cesse de nous dicter ses lois, la mort elle ne nous laisse que l'embarras du choix. Comme la mort d'aujourd'hui n'est plus au naturel, pour un non pour un oui, on t'expédie au ciel.